Ici, j'ai 96 ans. Non, je suis né à Vingles. À Vingles, oui. Dans 4 ans, le centenaire. Si je suis encore à l'homme, entendu. Avant, j'étais mineur. Comme tout le monde, j'étais mineur, tout le monde. J'ai fait 30 ans au Maine. Le métier de mineur, c'est plusieurs catégories. Hein. Il y a les veines, il y a les grands, il y a tout. Il y a tout au Maine. Alors, qu'est-ce que vous dites? Il a tapé silicose, il a tapé la silicose, et tout. Alors, j'ai tout opéré par un cancer, et voilà. Et maintenant, je suis arrangé comme ça, toujours. Je peux plus rien faire. Je suis tout le temps essoufflé. Il y a plusieurs catégories de boulot dans une mine. Dans... Ah, ben, c'était pareil d'équipe, puis on faisait des grands toi, je peux dire, toi, je peux pas dire ça, je sais pas. Il faut le voir pour le croire, comme ça. Parce que c'est incroyable, aux mines comme ça, travailler dans les mines. Bah, vous savez, c'est dur à travailler dans les mines. Bah ouais, ça c'est sûr. Pour les jeunes, ils nous prenaient pour des mambours, pour des sacrés. Et ils vont me dire qu'ils ont pêché. Dans des veines comme ça, on va aller pas dessous, pendant 8 heures comme ça, travailler là-dedans avec un marteau-piqueur. Vous savez, c'est pas rigolo, hein. Je vous le dis. Hein. Et bien sûr, c'est ça. À 4 h du matin, jusqu'à. Il n'y avait pas d'heure, quoi. On rentrait, il n'y avait pas d'heure. D'entrée, quoi. On devait finir des choses et tout ça. Et on travaillait jusqu'au bout, jusqu'à que qu'on pouvait aller, quoi. Hein? Parce que il y a des moments, je descendais dans un trou, un puits, on appelle ça un peu. On creusait le plus profond, quoi. Avec des machines spéciales. Puis... Ah. On rentrait boire un coup au café en face de la mine, et on rentrait chez nous crevés, quoi. C'est ça, tout. J'ai eu ma passion, mon bonheur. Avant, on faisait 37 ans pour travailler, pour faire. Bon, maintenant, c'est 60 ans maintenant. Alors, vous voyez. Bon. Après la mine, ben, j'ai travaillé à la Régie Renault, à Billancourt, là. J'ai travaillé à Paris, faire les déplacements par ici. Oui, voilà quoi. Et là j'ai travaillé pendant un bon moment, peut-être 100. Ouais, 100. Ouais. J'ai fini ma pension à la Régie Renault. À Douai. Je vais travailler, revenir, retravailler dans le Nord pour moi repartir à la Régie Renault pour finir ma pension. Voilà. C'est eux qui m'ont dit, mais monsieur Dupont, il fallait arrêter parce que bon, j'avais fini de. Je connaissais le boulot, après je savais, C'est avec moi, c'est avec nous. Hein. Oh, le bonheur. 45, 46. 46, 45, 46. Le boulot, il faut le faire, hein, vous le dire. Hein.